Aurélien Scholl, 880. Le miracle de Montargis. Nous devions déjà à cette jolie petite ville du Loiret un chien célèbre et un ministre des postes. Ce n'était pas assez, paraît-il. La Providence a voulu favoriser Montargis une fois de plus en y plaçant le théâtre d'une apparition qui ne peut manquer de toucher bien des cœurs. À cette époque de scepticisme ou d'indifférence religieuse, nous ne devons rien négliger de ce qui doit ramener dans le droit sentier les brebis égarées. Il est d'abord nécessaire de résumer les faits. Une femme qui a dirigé longtemps et avec succès une des congrégations les plus autorisées, la Farcie, puisqu'il faut l'appeler par son nom, s'est réfugiée, après fortune faite, dans une maison de campagne, le château du Chénois, près Montargis. Depuis l'effondrement de la féodalité, les châteaux appartenant aux plus offrants et derniers enchérisseurs sont tombés aux mains des spéculateurs habiles, des négociants heureux et des financiers que n'a pas réclamé le bagne. Madame Farcy devait prendre sa place dans cette aristocratie nouvelle. Si elle ne remontait pas aux croisades, elle remontait au croisement. À chacun son heure, à chacun ses titres. La châtelaine du Chénois, touchée par la contemplation de la nature, ne tarda pas à tomber dans la dévotion. Elle lut l'histoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui léchait les plaies des malades, et, dans son for intérieur, elle ne trouva pas une différence sensible entre ses pratiques religieuses et celles qui avaient fait sa fortune. La Farcie expira, laissant par testament 40 000 francs à l'hospice de Montargis, à la ville 20 000 francs pour fonder une salle d'asile, 30 000 francs à la commune d'Armilly pour établir deux écoles chrétiennes, enfin 20 000 francs aux sœurs de Montargis, 12 000 francs à l'église de Saint-Firmin et une forte somme à la fabrique de Sainte-Marie-Madeleine pour qu'on y dit des messes destinées à assurer le repos de son âme. C'est là ce qu'on appelle faire une bonne mort. Si une âme n'était pas tranquille quand on lui a payé 5 000 messes, il faudrait renoncer à toute conciliation avec l'autre monde. La Farcie mourut donc paisiblement, étendue sur le dos, la bouche entr'ouverte, en un dernier sourire, et elle fut enterrée avec pompe. La population rurale, qui l'estimait, ne fit aucun chabanet autour de son cercueil. Les legs de la sainte femme furent contestés par un neveu sans pudeur, mais les tribunaux mirent bon ordre à ses prétentions. Il y avait bien dans le pays quelques mauvaises langues qui jasaient de l'aventure, mais les gens bien pensants répondait que la fabrique de Sainte-Marie-Madeleine, reconnaissant que la défunte avait été touchée par la grâce, ne pouvait refuser une donation qui lui arrivait par ce canal. Un véritable miracle vient de lever tous les doutes à cet égard. Dans une modeste maison des environs d'Armilly, habitait depuis quelques jours un ecclésiastique en congé. Ce digne homme était venu de Putange pour passer un mois chez des parents. Dimanche, à 6 heures du soir, il s'apprêtait à se mettre à table pour prendre son modeste repas. Il venait à peine de terminer son bénédicité quand on frappa à la porte. Une vieille servante s'empressa d'aller ouvrir. C'étaient deux petits-enfants du pays, Ambrosine Martin et François Lescailleux, qui demandaient à parler au père Fessard de Putange. « Qu'y a-t-il, mes enfants ?» demanda le digne homme. « Monsieur l'abbé, répondit la petite Ambrosine Martin. Nous étions, François et moi, assis sous un arbre, près de la mare au canard, quand nous avons eu une apparition. « Oui, monsieur, » ajouta François. « Et qu'avez-vous vu ?» Une dame vêtue d'un peignoir de soie bleue, entr'ouvert sur la poitrine. Elle avait des bas rouges et de petits souliers de satin, avec de hauts talons. « Mes enfants, » a-t-elle dit, « je suis au ciel. Vous êtes trop jeunes pour que je vous propose de monter. Mais votre témoignage est nécessaire à ma mémoire. » L'abbé de Putange leva les yeux au plafond. « Continuez, » dit-il. Alors, reprit Ambrosine Martin, la dame descendit et nous embrassa en disant « Je suis la dame du Chénois, celle que, de son vivant, on appelait la Farcie. Après une vie agitée, j'ai compris que les joies de ce monde ne laissent après elles que des cendres. J'ai fait pénitence, je me suis frappé de verges, et il m'est enfin permis d'affirmer que les chameaux peuvent réellement passer par le trou d'une aiguille. » L'abbé de Putange était tout ému. Il interrogea François le Cailleux. « Mon enfant, ce que vient de dire ta petite camarade, est-il bien exact ?»« Oui, monsieur, » répondit François. « La dame a même ajouté, en m'embrassant, « l'endroit où je suis est fort beau. Il y a une chambre de glace sur la porte de laquelle on lit « M voit les uns les autres et toutes les âmes sont au salon. Vous serez un homme un jour. Songez alors à la dame au peignoir bleu. Rappelez-vous qu'il y a deux chemins. » L'un qui mène en paradis, l'autre qui mène en enfer. Faites votre choix. Quand cette dame t'a embrassé, tu n'as rien remarqué? Non, monsieur, elle sentait fort bon. C'était comme qui dirait du muscle, ou bien de cette poudre blanche que le barbier met sur la figure de monsieur le baron. Est-elle restée longtemps avec vous? Un grand moment. Et après? Elle a jeté deux asperges qu'elle tenait dans les mains, puis elle a disparu dans les nuages. Et nous avons entendu comme un bruit de pièces d'argent dans son bas. « C'est bien, fit l'abbé. Je vais écrire votre récit. Et quand le moment sera venu, j'aurai recours à votre témoignage. » Il donna une pièce de 50 centimes à chacun des enfants qui se retirèrent enchantés pour aller rapporter à leurs parents ce qu'ils avaient vu. Un puits a été aussitôt creusé à l'endroit où est apparue la farcie. L'eau a jailli d'elle-même et s'étend dans une cuvette qui s'est formée devant la source, comme pour en faciliter l'écoulement. Madame de B, qui souffrait depuis longtemps d'une maladie des yeux, s'est lavée avec cette eau, et elle a été guérie. Un enfant d'Armilly, que les médecins désespéraient de sauver, a été plongé par sa mère dans la cuvette miraculeuse, et il est aussitôt revenu à la santé. Un paralysique! Le sieur H avait perdu depuis longtemps l'usage de ses membres. L'eau de la farcie lui a si bien rendu ses forces qu'il est rentré chez lui à pied. Un militaire qui avait la goutte s'est également trouvé guéri. Le bruit de ces cures prodigieuses s'est déjà répandu dans tout le pays et l'on voit de toutes parts des paysans qui arrivent sur leur haquet. Une jeune femme a été placée en surveillance auprès de la source. Elle est chargée de recevoir les offrandes des pèlerins. Dès qu'on aura réuni une somme suffisante, un monument sera élevé sur le lieu même de l'apparition. Et, chose étrange, si quelqu'un oublie de laisser son obol sur la margelle, une voix mystérieuse se fait entendre et dit « N'oubliez pas la petite bonne !»